Yeah! Bienvenue à Playback. Une capsule à voyager dans le temps qui vous retourne vers la décennie 80. En cet épisode 5, saison 2, intitulé 80s Romantics, le spécial Saint-Valentin. Un playback quelque peu quétaine par moment, mais surtout plus mollo et mielleux. Que des balades des années 80 parfaitement sélectionnées pour votre week-end de la Saint-Valentin ou pour votre soirée de lover que vous avez réservée uniquement pour vous deux. Alors, placez une bûche dans le foyer, étendez-vous sur votre fourrure d'ours polaire and let the good times roll. Time after time. Who's gonna tell you things aren't so great? You can't go on thinking nothing's wrong. What else? Who's gonna drive you home tonight? Who's gonna pick you up when you fall? Who's gonna hang it up when you call? Who's gonna pay attention to your when you me sad, it makes me mad at truth. days. Eyes without a face, got no human grace. Your eyes without a face. Bonsoir à tous et bienvenue à Playback Radio 80, épisode 5, nommé 80s Romantics, un petit spécial pour souligner la Saint-Valentin. Je vous passerai que des ballades et que des gros titres. Plusieurs peuvent appeler ça des power ballads car c'est des ballades poignantes et puissantes, sorties principalement dans les années 80, ces chansons qui se caractérisaient surtout par ses grosses productions et ses ambiances légèrement dramatiques. Un power ballad reste pour la plupart du temps associé aux artistes ou formations hard rock ou hair metal. Donc, pour cet épisode-ci, je me concentrerai sur des ballades au style plus pop ou rock standard et je me réserve les power ballads pour un éventuel épisode de Hair Bands et Power Ballads volume 2. Alors, j'ai ouvert cet épisode avec un tout premier bloc qui a débuté avec la chanteuse Cyndi Lauper avec son intemporel hit Time After Time, un single sorti en janvier 1984 et le deuxième extrait de son tout premier album She's So Unusual de 1983. Le tout premier extrait de cet album était évidemment Girls Just Wanna Have Fun, mais avec Time After Time, Cyndi Lauper nous démontrait son côté plus sobre et sérieux avec une chanson qui est considérée encore comme étant une des meilleures et mémorables chansons d'amour de la musique pop. Ce succès avait fait le top 10 dans 15 pays et a été numéro 1 au Canada et aux États-Unis à l'été 1984. Le deuxième extrait que je vous ai diffusé était un single lancé en mars 1984 intitulé Drive de la formation américaine The Cars. Drive était le troisième extrait du cinquième album de The Cars. L'album était intitulé Heartbeat City et a été le plus gros succès pour la formation de Boston. Et Drive a été le plus gros succès international du groupe car la chanson avait atteint le top 10 dans 10 pays et le numéro 1 au Canada et aux US. La troisième chanson du bloc était réservée au rocker britannique Billy Idol et son classique Eyes Without a Face, lancé en 1984, et cette chanson avait été le deuxième single de quatre singles sortis du même album, le deuxième de Billy Idol, intitulé Rebel Yell, de 1983. Une chanson qui avait fait le top 20 dans 10 pays, mais qui a étrangement jamais atteint le numéro 1. Je dis étrangement puisque c'est une chanson que l'on entend encore très souvent. C'est un classique et un incontournable des playlists 80s. Et pour ceux qui ne le savent pas encore ou qui ne l'ont jamais remarqué, la fameuse voix féminine que l'on entend pendant le refrain dit clairement le titre de la chanson, mais en français, « Les yeux sans visage ». Et pour la dernière pièce du premier bloc, nous avons entendu nul autre que Madonna avec l'excellente Live to Tell. Ce single sorti en mars 1986 est un des nombreux hits sortis du troisième album de Madonna intitulé True Blue. Et cette pièce était aussi disponible sur la trame sonore du film At Close Range, version originale du film Comme un chien enragé de 1986, un film qui mettait en vedette l'acteur Sean Penn et qui se trouvait aussi être le meilleur de Madonna à l'époque. Et Live to Tell avait atteint le numéro 1 dans 5 pays, dont le Canada et les États-Unis, et avait atteint le top 10 dans 11 autres pays. Alors, c'est déjà le temps de poursuivre en musique avec un autre excellent bloc, le bloc numéro 2, qui débute avec la formation américaine REO Speedwagon, avec leur gros succès de 1980, la pièce Keep On Loving You sur Playback. You should have seen by the look in my eyes, baby, there was something missing. You should have known by the tone of my voice, maybe, but you didn't listen. You may dare, but you never bled. Instead you lay still in the grass, baby, way before them, and we're still

get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified and then I see the look in your eyes. Turn around. I dream of something wise. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified but then I see the look in your eyes. Eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, but now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Total eclipse of the heart. De retour avec votre animateur Pat Moore à l'épisode 80s Romantics, spécial Saint-Valentin. On vient de terminer un gros bloc rempli de gros succès de la décennie, et comme j'ai mentionné au tout début du bloc, la première chanson était du groupe REO Speedwagon avec la pièce Keep On Loving You, un single sorti en novembre 1980 et qui au début de 1981 a réussi à faire le top 20 dans une douzaine de pays et qui avait atteint le numéro 1 aux États-Unis. Cette pièce est tirée du 9e album de REO Speedwagon, intitulé High Infidelity de 1980, a été le premier gros succès de cette formation du Illinois. La deuxième chanson était le classique Against All Odds, Take a Look at Me de Phil Collins, tiré de la trame sonore du film Against All Odds de 1984, qui mettait en vedette Jeff Bridges et James Wood. Cette poignante ballade, ou même power ballad, a été le premier numéro 1 américain dans la carrière de Phil Collins, et la pièce était aussi méritée un Grammy en 1985 pour meilleure performance vocale masculine et une nomination pour meilleure chanson originale de film aux Oscars et aux Golden Globes, toujours en 85. Against All Odds avait atteint le top 10 dans une douzaine de pays, ainsi que le numéro 1 dans 5 pays, dont le Canada. La troisième est une pièce immanquable dans une émission comme celle-ci. On ne pouvait pas passer à côté de la chanson Purple Rain de Prince and the Revolution, extrait sorti du 6e album de Prince et qui se trouvait aussi à être la trame sonore officielle du film Purple Rain de 1984, un film qui mettait justement en vedette Prince. Et cette version originale de la chanson Purple Rain avait été enregistrée live en 1983 au fameux club First Avenue au Minneapolis, la ville natale de Prince. Et First Avenue était la boîte de nuit où Prince a débuté sa carrière et s'est présenté maintes et maintes fois en spectacle tout au long de sa carrière. Et c'est à ce même endroit que plusieurs scènes du film Purple Rain ont été tournées d'ailleurs. Le single Purple Rain, sorti en septembre 1984, était le troisième single de l'album Purple Rain qui avait atteint le top 10 dans 6 pays et le numéro 1 aux Pays-Bas. Comme j'ai déjà mentionné lors de mon deuxième épisode, le spécial Trame sonore, l'album Purple Rain avait été un des plus gros vendeurs de 1984, en restant au numéro 1 et ce pendant 24 semaines. Le titre Purple Rain est hors de tout doute la chanson signature de Prince, et après sa mort en 2016, la chanson s'est retrouvée au numéro 4 du Billboard américain. La dernière chanson du bloc était l'incontournable et le classique Total Eclipse of the Heart de la chanteuse galloise Bonnie Tyler, un single ou extrait de son 5e album intitulé Faster Than the Speed of Night de 1983. Une chanson composée et produite par Gene Steinman, le même qui produisait et composait les albums pour le chanteur américain Meat Loaf. Et le 45 tours de Total Eclipse of the Heart s'était vendu à 6 millions d'exemplaires et le single avait atteint le top 10 dans 7 pays, ainsi que le numéro 1 des palmarès dans 8 pays. Cet énorme classique des années 80 reste le plus gros succès en carrière pour la chanteuse Bonnie Tyler. Et c'est le temps de remettre un autre disque, et c'est reparti avec le bloc numéro 3. Playback Radio 80. With you. me feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I don't wanna fall in love. No, I don't wanna fall in love with you. Thank you. and blood makes me whole. I need you so. So take these broken wings and learn to fly again. Learn to live so free. And when we hear the voices sing, the book of love will open up and let us in. Yeah. Let us in. Vous êtes toujours à Playback, l'émission de Radio Nostalgie 80. J'ai ouvert ce troisième bloc avec Wicked Games de Chris Isaak, son plus gros succès en carrière. Ce single, lancé en juin 1989, tiré du troisième album de Chris Isaak nommé Wild Shaped World, n'avait pas franchi les palmarès avant 1990, où la pièce s'est finalement retrouvée au top 10 dans 10 pays. Comme la plupart l'ont peut-être déjà perçu, Wicked Games est inspiré d'une relation très chaude et passionnelle entre Isaak et une de ses prétendantes de l'époque, et cette chanson est apparue en version instrumentale dans l'excellent film Wild at Heart du réalisateur David Lynch en 1990 qui mettait en vedette Nicolas Cage, et la pièce est aussi retrouvée dans diverses séries télé et même dans différentes pubs. Et on se rappelle bien évidemment de son fameux vidéoclip merveilleusement tourné en noir et blanc sur le bord d'une plage hawaïenne. Un vidéo très sensuel où l'on voit Isaak avec la mannequin Helena Christensen. Un vidéoclip qui est à ce jour considéré comme étant un des plus sexy de l'histoire du vidéoclip. La deuxième pièce était réservée à un des ex-membres du groupe The Eagles, Don Henley, et son classique The Boys of Summer. Ce single, lancé en octobre 1984, est un des gros classiques et incontournables des playlists 80s. Et ironiquement, la chanson n'avait franchi que le top 20 dans 6 pays, ainsi que le numéro 1, mais seulement aux États-Unis. The Boys of Summer était un des trois singles du deuxième album solo de Don Henley, un album intitulé Building the Perfect Beast de 84, mais la pièce était méritée un Grammy et 4 MTV Video Music Awards l'année suivante en 85. Par la suite, nous avons entendu la formation britanno-américaine Foreigner et leur toute première ballade à succès, Waiting for a Girl Like You, sortie en juillet 1981. Et cette chanson était un des trois singles ou extraits sortis du quatrième album de Foreigner, intitulé simplement Four. C'est sur cet album qu'on leur retrouvait les classiques comme Urgent et Jukebox Hero. et l'album 4 avait été numéro 1 pendant 10 semaines sur le Billboard des meilleurs vendeurs albums et s'était vendu à 7 millions d'exemplaires aux États-Unis seulement. Waiting for a Girl Like You avait atteint le top 20 dans 7 pays et le numéro 1 aux États-Unis. La quatrième chanson était du groupe américain Mr. Mister et leur plus gros succès en carrière, Broken Wings. Ce single sorti en juin 1985 était un des trois singles tirés du deuxième album de Mr. Mister, l'album Welcome to the Real World. Petite anecdote, dans un des vers de cette chanson, nous avons une ligne qui est identique à un des passages de la chanson Blackbird des Beatles, une chanson de 1968, la fameuse ligne ou parole Take these broken wings and learn to fly. Cette chanson est un autre incontournable de la musique pop des années 80 et cette chanson avait franchi le top 20 dans 13 pays et le numéro 1 au Canada et aux US. On retourne en musique. La soirée est loin d'être finie. Restez avec moi, les amoureux et amoureux des années 80, car c'est reparti avec un bloc d'artistes canadiens. Et ça commence avec le band Loverboy et This Could Be the Night. Ask any girl in this lonely world. Ask any girl, she'll say, make it last forever. I'm holding out my hand, I finally understand. So turn out the lights, oh yeah, we'll make it last forever. I've been down the streets of desire. Oh,

seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai. Je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée. Nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Hell and things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi. Là où le vent te porte, loin de mon cœur. Sur le sable, les yeux dans l'eau. Mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin de moi. Vous êtes toujours au spécial Saint-Valentin à Playback Radio 80. J'ai ouvert le dernier bloc avec la formation canadienne Loverboy avec This Could Be The Night, un single lancé en 1986 et le deuxième extrait tiré du quatrième album de Loverboy intitulé Lovin' Every Minute of It de 1985. This Could Be The Night, une power ballade qui avait atteint les palmarès top 10 mais seulement au Canada et aux États-Unis. La deuxième que je vous ai présentée est probablement un des plus gros hits au Québec dans les années 80, Vivre dans la nuit d'un groupe de Gatineau nommé Nuance. Cette chanson avait été un petit phénomène au Québec dès sa sortie en 85, avec 80 000 copies du 45 tours vendues au Québec. Cette pièce ainsi que leur deuxième succès Amour sans romance étaient deux extraits sortis de l'album Vivre dans la nuit lancé en 86. Nuance et la chanson Vive dans la nuit s'étaient mérité deux nominations au gala Junos en 87, les Junos étant l'équivalent des Grammys au Canada, et Nuance s'était mérité un prix Félix pour Découverte de l'année en 86 et Chanson de l'année pour Vive dans la nuit en 87. Le groupe s'est finalement dissous vers la fin de 1988. La troisième chanson était de nul autre que Bryan Adams et un de ses plus gros succès, le single Heaven. Sorti en avril 1985, un des six singles sortis de son légendaire album Reckless de 1984. Dans ses singles, on retrouvait des classiques comme Summer of 69, Run to You et Somebody. Reckless est probablement le plus gros album en carrière pour Adams, avec 12 millions de copies vendues dans le monde. Et la chanson Heaven avait atteint le top 20 dans 6 pays, le top 10 dans 3 et le numéro 1 aux États-Unis. Et pour la quatrième pièce, nous avons entendu un autre classique de la francophonie dans les années 80, la chanson Hélène de Rock Voisine. Tirée de son premier album, nommé Hélène, de 1989, cette chanson avait lancé la carrière de Rock Voisine en France. Et en fait, palmarès, la chanson avait atteint le numéro 9 en Belgique, numéro 3 en Norvège, numéro 9 au Canada et le numéro 1 au Québec ainsi qu'en France. Et la 45 tours s'était vendue à 800 000 copies en France uniquement. Alors, on redécolle tout de suite en musique avec le bloc numéro 5. We can solve any problem. calls to mind a silver screen, and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Qui dérange autour de nous. te soupir contre moi et mourir, mourir en toi. Mon sang, trembler ma voix. J'aime quand tu gémis de plaisir et tout anéanti te sentis amoureusement blotti entre mes bras. Dont les écumes font la beauté. voudrais changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs et dans l'eau laissent une trace. Retour avec Pat Moore à Playback. Pour ouvrir ce tout dernier bloc, on a entendu le Britannique Paul Young avec son plus gros succès en carrière, Every Time You Go Away, une chanson originale composée par Daryl Hall du duo Hall & Oates. Et c'est justement Hall & Oates qui avait enregistré cette pièce sur leur 9e album intitulé Voices en 1980. Mais la reprise de Paul Young, lancée comme single en 1985, extrait de son 2e album The Secret of Association, avait reçu un succès très considérable en atteignant le top 20 dans 5 pays et le numéro 1 au Canada et aux US. On a ensuite écouté un succès monstre de George Michael et Wham avec le classique Careless Whisper, une chanson composée par George Michael vers 1980, avant l'existence même du duo de Wham. Extrait du 2e album de Wham, nommé Make It Big, et Careless Whisper avait été lancé comme single en juillet 1984. Petit fun fact, la fameuse ligne de saxophone a pris 11 saxophonistes différents avant d'avoir la prise parfaite et au goût de George Michael. C'est la ligne du saxophoniste jazz Steve Gregory qui avait fait la version finale The Final Cut et la version que nous connaissons tous. La pièce a été numéro 1 dans presque une vingtaine de pays, dont la Grande-Bretagne, où elle est restée là pendant 9 semaines. Elle avait franchi le top 10 dans presque une douzaine d'autres pays. Et le 45 tours s'était vendu à 6 millions d'exemplaires. Careless Whisper restera toujours l'ultime ballade romantique et sirupeuse de cette décennie. Et parlant de ballade sirupeuse, la 3e pièce de ce bloc numéro 5 était du chanteur français Herbert Léonard, avec une chanson qui avait eu beaucoup de succès, particulièrement ici au Québec, la pièce Flagrant délit, un extrait de son 9e album intitulé Mon cœur et ma maison de 1985. Ensuite de ça, on écoutait la Montréalaise Marie-Denise Pelletier avec « Tous les cris, les SOS », une reprise d'une chanson composée et interprétée par Daniel Bellavoine en 1985. Cette version de Marie-Denise est parue sur son 2e album intitulé « À l'état pur » de 1987. Et le single a été lancé sur les radios québécoises en 1988. Dans les décennies suivantes, cette chanson avait été reprise plusieurs fois par de nombreux artistes, tout comme Zaz ou Jeanne Masse, entre autres. Mais c'est probablement la version de Marie-Denise qui reste la meilleure ou bien la version qui a le plus marqué l'imaginaire des gens. Alors, on retourne tout de suite en musique avec le tout dernier bloc de cette émission. Et on repart ça tout de suite avec le groupe ZZ Top. Thank you. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't. Standing, you were there. Two worlds colliding, and they could never, ever tear us apart. Steal you away like a thief in the I was crazy for you. You were crazy for me. And how could something so right go so wrong, my love, sweet toujours à l'écoute de l'épisode 80s Romantics à Playback Radio 80. Et le tout dernier bloc de cet épisode a ouvert avec le légendaire groupe blues rock du Texas, ZZ Top, avec leur power ballad Rough Boy. Le troisième extrait sorti de leur neuvième album Afterburner de 1985 et Rough Boy avait atteint le top 40 dans 5 pays. Par la suite, on a entendu le groupe pop rock australien très populaire dans les années 80, In Excess, avec Never Tear Us Apart. Ce single, lancé en 1988, était un des 4 singles à avoir atteint le top 10 des palmarès et sorti du même album, leur 6e et leur plus populaire et meilleur vendeur en carrière, l'album Kick de 1987, qui s'est vendu à presque 20 millions de copies dans le monde depuis, et Never Tear Us Apart avait fait le top 10 dans 5 pays. La troisième pièce était d'un des ex-membres du groupe The Jackson 5 avec Jermaine Jackson et la pièce Do What You Do, un single sorti en décembre 1984, extrait de son 10e album solo, un album éponyme. Après Michael et Janet, Jermaine était le 3e de la famille Jackson à avoir eu une carrière solo importante et Do What You Do était une des 6 chansons à succès dans la carrière solo de Jermaine Jackson et la pièce avait atteint le numéro 13 aux US et le numéro 6 au Royaume-Uni. Et pour rester concept, la dernière pièce était du petit frère de Jermaine, Michael Jackson, avec la pièce Liberian Girl, un single lancé en juillet 1989, un des 9 singles ou extraits tirés de son 7e album solo, Bad. Cette chanson, qui a été le single pas mal le moins populaire de tous les singles de l'album Bad, avait tout de même fait le top 20 dans 10 pays et le numéro 1 en Irlande. Et oui, on est rendu là, c'est la fin de ce spécial Saint-Valentin. Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous dis un gros merci. Ça fait long en fait de musique mielleuse, ça fait beaucoup de slow en une soirée. Mais vous savez, je veux toujours en mettre autant que possible. Et comme à l'habitude, j'ai toujours l'impression que je pourrais en mettre encore plus. Mais 2 heures de musique, c'est sûrement assez pour vous combler. Donc, je vous laisse sur 3 chansons. Mais juste avant, je vais vous dire que je serai de retour dans un mois pour le spécial Rock Volume 2. Et pour les amateurs de rock, vous serez comblés, ça c'est garanti, à ne pas manquer. Donc, je vous quitte avec 3 chansons et on terminera ça avec Vanessa Paradis et la chanson Marilyn et John de 1988. Juste avant, je vous passe René et Nathalie Simard avec Tout si tu m'aimes de 1988. Vous savez, René Simard qui a récemment fêté ses 50 ans de carrière, assez incroyable. Et maintenant, on se laisse avec ce classique du groupe Boston, qui se rappelle pas d'avoir dansé un plane ou le fameux slow de fin de soirée après la petite danse du vendredi ou du samedi soir du secondaire. Là. La pièce Amanda de 1986. Sur ce, bonne soirée tout le monde, à la prochaine. Too soon, I know the feeling takes. Pacifique ou violent, le souffle